du silence. Tout ce temps perdu. Et en même temps, quand on ne saura plus. À quoi sert tout ça, à quoi l'on sert?